J'ai retrouvé Yamine et son cœur dans un sale état. Il a besoin d'une révision, pour nous c'est la routine. Charbonne comme un routier, ce que je ramène à la zone, mais tu le ramènes pas à l'année. J'ai évité Karibik, Maria et maléfique sa mère. J'en ai riche, mais des lignes bénéfice sa mère. On n'a pas ton temps, on n'est pas content. Faut de l'argent content, tu dois bien t'en douter. La famille grandit, on doit financer. Et pas fait assez, risque pas de rentrer. Oh là là là, j'ai des rites sa mère. Ça débite sans limite, jour et nuit sa mère. Oh là là là, j'ai des rites sa mère. Faut du bif, j'ai des rites sa mère. Oh là là là, j'ai des rites sa mère. Ça débite sans limite, jour et nuit sa mère. Oh là là là, faut du bif sa mère. Ça débite sans limite, jour et nuit sa mère. On est vite sa mère, on fait les comptes et on les vide sa mère. J'ai pas le choix, gros, ça va vite sa mère. Faut du bif, ça débite quand les schmitts sa mère. J'ai des rites sa mère, ça taffe dur. Mon prochain se vide sa mère, ça carbure. J'connais son délire et son vice par cœur. Elle attend pas l'hôtel, elle veut me faire sur le parking. Ouais, j'fais du bif sa mère, j'le fais bien, j'le fais vite, j'suis trop vif sa mère. Comme un petit saïen, comme un homme, il se manque, on unique sa mère. Génération Snapchat, génération passe-filtre, généralement rata, généreux on partage. J'ai mes rêves au top 10, j'ai mes rêves au placard. J'ai jamais fait le bâtard. Oh là là là, j'ai des rites sa mère, ça débite sans limite, jour et nuit sa mère. Oh là là là, j'ai des rites sa mère, faut du bif, j'ai des rites sa mère. Oh là là là, j'ai des rites sa mère, ça débite sans limite, jour et nuit sa mère. Oh là là là, faut du bif.